boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Oh, oh, oh, qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Oh, oh, oh, faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Moi je le connais, je suis un évadé. Oh, est-il nécessaire de perdre la vue? Les soleils disparus, je les vois briller, je suis un évadé. Oh, qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Ce soir dans Pop and Rock, on commence par notre petit hommage à l'homme à tête de chou, le brûleur de Pascal, le poète provocateur, le forçat qui s'inspire des compositeurs classiques, c'était le Gainsbourg pour un de ses morceaux peu connus, la chanson du forçat, chanson qui illustrait la série Vidocq en 1967. Et de 67, on fait un saut de puce temporelle pour arriver en 80, le temps des mobs au guidon torsadé, le temps des 103 SP, on retrouve le petit groupe Lily Drop sur ma mob. Ah, ah, il a sick sa bécane. Ah, ah. draguer les dames dans son lit. Sur ma meuf, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma meuf, je suis bien. Et ces connes de bagnole sont folles de rage. Allez, tu danses. La mob des Lily Drop, parce que ma machine à remonter le temps nous fait encore faux bon, et la mob magique des Lily Drop nous emmène pour une chanson dans l'univers d'un autre petit groupe français, Revolver, avec le morceau Winsong. Look around, it's like living in a ghost town. Sleepwalking, no easy way out. It's been too long, now I don't know what's right. It's so hard to remember. By the morning she was gone without a sound. The sun shone in and things were all around. And the only thing she had left me was a light. At first I couldn't understand. This wind ain't the right wind. de ce soir, c'est un début très francophile à défaut d'être toujours très francophone. Quoique, puisque le morceau suivant qui date de 2007 est de Mokayesh, le tennisman, auteur-compositeur, nous offre une belle déclaration, comme elle est belle. Quelques hommes au service de leur propre nombril nous parlent d'un essor qui n'est autre que le leur et nous tendent l'oreille et nous battons des cils, on fermera les yeux pour s'endormir tranquille. Allez-y discuter, ambition, concurrence, surtout pas dignité, chacun cherche. Charisme et faux air d'hooligan cravaté. Si tu es une bête féroce ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux, celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile, n'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Faire des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire.

chimère de relève, un bel orage comme l'été sait si bien les faire. Alors c'est la relâche, quelques passants vaquent à leur tâche, se souciant peu des mains tendues qu'effacent l'air. Alors quelques trottoirs rigolent recevant cette histoire, le ciel offrant la pluie comme fin de calvaire. Et pourtant il serait grand temps, le ciel noircit et jamais ne ment, le ciel rougit comme jamais auparavant. Il se gonfle et promet de grands changements, mais ça doit péter les enfants. Pop and Rock, avant d'écouter Zanzila. Alors je pense que la capitale des Gaules n'a pas grand chose de bon en matière de foot, mais je dois bien reconnaître qu'un groupe mérite le passage à Lyon, enfin plus précisément à Villeurbanne. En 2010, Zanzila produisait son 5e album, alors que j'étais resté coincé en 2000 avec leur premier album pépite. 2010, l'album s'appelle Zanzila, le morceau qu'on écoute c'est R.A.S. S'endort, image, métaphore, RAS, tout va bien. Croqué dans le starting block de l'époque, RAS, tout va bien. Croisé dans le sas de l'illusoire, mais de l'autre côté du couloir, chronique anachronique d'un quotidien. Et déjà noir. We'll be right back. un dernier, ça sera donc notre dernier groupe français pour ce soir, les Rémois de Raskolnikov. Ça chante en anglais, ça a des odeurs de Black Wave. On se lance dans l'effrayante histoire d'Albert Roche avec Raskolnikov. We'll be right back. belle entrée en matière pour notre second chapitre du soir avec The Unforgettable Fire de la bande à Bono et The Edge. Le niveau va être dur à maintenir pour les groupes suivants, mais je suis assez tranquille puisque c'est la filleule artistique de Bono que je vous balance à présent, Sinead O'Connor, avec le morceau Drink Before the War, issu de son premier album Pépite, dont on reparlera sûrement bientôt dans Pop and Rock. Stop getting fat. Sinead O'Connor, si vous ne deviez écouter qu'un seul album de la diva irlandaise, faudrait piocher jusqu'en 87 pour écouter l'intégrale de l'album de Lion and the Cobra. Allez, encore un peu de nostalgie avec Born Again de Supergrass, sorti en 1999. Les voyages dans le temps et dans le passé. Pour finir ce pop and rock sur RVR, on revient aux années 2000-2010 avec tout de suite un groupe récemment labellisé pop and rock. Le groupe c'est The Men, le morceau éponyme du dernier album de The Men, le morceau s'appelle Mercy. Under the piles of precision machines, landfills fill, strewn outward and fanned across the stream. The mainframe, it don't calculate how mercy escaped. Why mercy escaped? Give me a peace in my death. Mercy breathing in my last breath. I'm afraid I'm just like all the rest. I need mercy at the hour of my death. a sea where mercy lives. I've heard their stories, though I don't know anyone who's run their fingers on the rim. Where the mercy slips, it don't run, it drips. It don't run, it drips. Give me peace in my death. I am just like all the rest. I need mercy at the hour of my death. donc écouté The Men, et à l'instant c'était le groupe Made in USA de Lumineers qu'on écoute régulièrement dans Pop and Rock, peut-être le prochain groupe estampillé Pop and Rock, qui sait. En tout cas, le suivant va recevoir l'onction Pop and Rock très bientôt, les barbus de West End Motel qui vous offrent If I Only Had Tomorrow. Estampillé Pop and Rock, mais des habitués de chez nous. Tout d'abord, on va écouter Unlikely Candidates et on terminera notre soirée avec Black Keys. Je vous dis, moi, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. There used to be an angel watching over me, but she left me when I drank a river of blood down in Biloxi. I used to see the light in the dark souls around me, but I traded all my life for some loneliness and gold down in Tennessee. And where we go, life, you never got it right. Now we'll teach you about loss and pain.